vais pas te mentir, mais la musique moi j'en peux plus. J'en ai trop vu, je suis comme tous ces PD à force, j'en ai plein le cul. Les gens disent j'ai haine, t'as une vie d'artiste, j'ai rien dans mon frigo. On me dit mettre ça sur le dos de la crise. Les gens partisent avec le diable et ça c'est pas nouveau. Des fois je pense au passé et je me dis que j'ai perdu le niveau. Le monde est petit et je me sens à l'étroit. Des fois je regarde le ciel donc les avions ont remplacé les étoiles. Des fois je me dis j'aurais dû bosser à l'école, mais c'est à l'âge de 13 ans que les démons ont touché mes épaules. À cette époque le divorce me donne envie d'écrire, alors quand je déprime j'écris des lignes qui ne voulaient rien dire. Au fil du temps le rap est devenu mon ego. Ma vie c'est pas un film, moi je dis ce que je pense, je suis comme Victor Hugo. Le temps passe, j'ai pas l'impression de devenir artiste. Moi j'aurais touché le fond que le hip-hop aura eu ses caprices. La vérité blesse, la vie est un QI où y arriver, il faut passer des tests. La vérité blesse, on a grandi trop vite, la vie est un roman, on connaît la suite. La vérité blesse, la vie c'est un QI où y arriver, il faut passer des tests. La vérité blesse, on a grandi trop vite, la vie est un roman, on connaît la suite. Des fois je me regarde et je me dis que j'ai pas le bon gabarit. J'ai l'impression que les gens me détestent parce que mon rap n'est pas de Paris. La vie est dure mais j'ai 20 ans, j'ai encore rien appris. Moi je me sens seul quand je crie, je suis comme un ch'ti, moi je me sens incompris. J'ai passé l'âge de créer des compiles. Y'a 3 ans de ça avec les potes, on se tapait des rires sans les copines. Mais les temps changent et les conflits ont remplacé les rires. Les dettes et les factures sont un engrais qui font apparaître les rides. Aujourd'hui moi j'ai plus le temps pour péter les plombs. Moi j'ai créé ma rage au démarrage avec un petit son. Moi j'ai la dalle et rien n'est appétissant. C'est pour ça que j'écris ma vie et mes rimes sur ce petit sample. Moi j'en ai marre et j'ai pas de solution. J'suis comme tout le monde mais trop boulot dodo et du bon petit son. J'suis pas là pour la compétition, même si un jour y'aura écrit anti-hip-hop sur vos pétitions. La vérité blesse, la vie est un QI où pour y arriver il faut passer des tests. La vérité blesse, on a grandi trop vite, la vie est un roman, on connaît la suite. La vérité blesse, la vie c'est un QI pour y arriver, il faut passer des tests. La vérité blesse, on a grandi trop vite, la vie est un roman, on connaît la suite. Moi je voudrais dire à tous ces jeunes que je suis pas un modèle. Et même si la vie blesse, je n'irai pas ma vie comme Kurt Cobain. La vie ça ressemble à des mathématiques, des théorèmes, des chiffres et beaucoup de choses, ouais problématiques. Moi j'ai plus rien à dire à part que la vie blesse. Je comprendrai que c'est la merde, un jour un pied égalisera mes fesses. Mais pour l'instant, j'ai rien à signaler. Et quand je perds l'espoir, je prends un stylo et puis je me laisse aller. Bien sûr, j'aurais voulu avoir une vie de palace, mais que faire de l'argent quand l'amour des parents n'est pas là. Je suis pas le plus à plaindre, non non. Toujours des cadeaux sous le sapin, même si le bonheur n'enlève pas les coups de chagrin. Au goût de chacun, on aurait tous des idées différentes. En preuve, c'est ce qui fait qu'on est exceptionnel et si peu différent. Au final, on est tous pareils. Et pour se voir, pas besoin de glisser dans un monde parallèle. La vérité blesse, la vie est un QI où pour y arriver, il faut passer des tests. La vérité blesse, on a grandi trop vite, la vie est un roman, on connaît la suite. La vérité blesse, la vie c'est un QI pour y arriver, il faut passer des tests. La vérité blesse, on a grandi trop vite, la vie est un roman, on connaît la suite. La vérité blesse, la vie est un QI pour y arriver, il faut passer des tests. La vérité blesse, on a grandi trop vite, la vie est un roman, on connaît la suite. La vérité blesse, la vie c'est un QI pour y arriver, il faut passer des tests. La vérité blesse, on a grandi trop vite, la vie est un roman, on connaît la suite.